Le micro, le est, micro ouvert, est ouvert à toi. Oh. Oh, oh. Et on s'écoute le zapping de Canal+, sans les images évidemment, et c'est normal puisque c'est de la radio. On dirait qu'il se passe quelque chose en France. Les Coréens ont construit à Songdo la première U-cité au monde. Une ville ubiquitaire où tout est connecté. Des millions de capteurs sont disséminés dans toutes les infrastructures, tous les bâtiments, et sont reliés en réseau à un ordinateur central qui gère la plupart des services de la ville pour la rendre la plus efficiente possible. Toutes les données sont collectées et traitées de manière quasi automatique dans un centre de contrôle digne d'un scénario de science-fiction. Mais d'abord, ce drone qui a survolé le palais de l'Élysée. Ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi vers 2h du matin. L'hypothèse de l'acte terroriste a été écartée. C'est pas les musulmans qui amènent la merde en France aujourd'hui. Il faut le dire, quoi. Certains, quand même pas. Mais là, on est dans la stigmatisation totale, Philippe Tesson. La joie et l'émotion contenue de Lassana Bathily, le jeune héros de la porte de Vincennes, félicité par le Premier ministre Manuel Valls, puis embrassé par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Le jeune homme a donc obtenu ce soir la nationalité française, récompensée pour son courage et son acte de bravoure. Le 9 janvier, vous le savez, l'employé a caché des otages dans le supermarché Cachère, pris pour cible par le terroriste de la porte de Vincennes, Amélie Coulibaly, avant d'aider la police à les libérer. Vous vous sentez mis en cause en tant que musulman par les événements récents, enfin, il y a eu ceux de la semaine dernière, très grave, dramatique. Il y en a eu d'autres aussi dans un passé plus récent dans notre pays. Non, parce que pour moi, je dissocie vraiment les deux. Il y a terrorisme d'un côté et il y a islam de l'autre. Pour moi, c'est pas la même voie. Et dérapage. Donc vous êtes un musulman, vous n'êtes pas un islamiste. Bienvenue. Bienvenue. Quelques mots du Premier ministre. L'ovation du public présent au ministère de l'Intérieur. Et voilà Lassana Bathily, français. Les gens me prennent comme un héros. Mais moi, je ne suis pas un héros. Pour moi, je suis Lassana. Je resterai moi-même. Écoutons encore le proche conseiller de Marine Le Pen. Les partis politiques et leur soutien médiatique qui ont organisé la manifestation parisienne de dimanche ont organisé l'invasion de la terre de nos ancêtres par une culture étrangère contre laquelle l'Europe, durant des siècles, avait lutté avec lucidité et efficacité. Lassana Bathily, ce soir, reste malien, bien entendu, mais il est aussi français. C'était son rêve, rêve donc réalisé. On nous dit qu'une majorité de musulmans est pacifique. Certes, mais une majorité d'Allemands l'était avant 1933 et le national-socialisme allemand. Allez, garçons ! Allez ! Je suis tellement content d'avoir double nationalité. Vive liberté, vive amitié, vive la solidarité, vive la France. Et puis il y a de petites infos que l'on a du mal à croire en lisant son journal le matin. En voici une. À Dammartin, les salariés d'un entrepôt évacué pendant le siège des frères Kouachi ont bien failli devoir rattraper leurs heures de travail avant que les caméras ne se pointent. On a été évacué le lundi quand on est revenu. Vous n'avez pas effectué vos 7 heures. Nous vous enlevons les heures à hauteur de... J'ai 4 autres collègues employés qui n'ont pas pu accéder à la zone donc de Aldi Marché, n'ont pas pu rentrer dans la société. Donc ces 4 personnes-là, en tant qu'employés, on leur enlève carrément 7 heures sur cette journée-là. Contacté à plusieurs reprises par les médias suite à l'alerte de cette responsable syndicale, la direction d'Aldi fait finalement marche arrière en milieu de journée. Dans un communiqué, elle assure que les salariés n'auront finalement aucune perte de salaire et aucune heure à récupérer. Et à cela, il faut ajouter toutes les fractures, les tensions qui couvent depuis trop longtemps la relégation périurbaine, les ghettos, ce que j'évoquais en 2005 déjà, un apartheid territorial, social, ethnique, qui s'est imposé à notre pays. On a le sentiment, effectivement, qu'on vit dans une France, mais avec deux mondes différents. Il y a ceux qui aujourd'hui vivent, et c'est 9 millions d'habitants qui vivent dans ces quartiers, avec les politiques et les choix qui ont été faits pendant 30 ans. Emmenez-moi au pays des mers. Ouais. Good. There is no fish. 3, 2, 1. Il est là-bas, j'hallucine. Is my fish in here? Est-ce que le poisson est à l'intérieur? Can you lift up the lid? Oui, je vais enlever le bouchon. Ah, il est là. Il est bien. What do you see in there? Can you see my little fishy? Oh là là. Come on, little fishy. Dans un magasin, quelle porte est réservée au personnel et aux fournisseurs? La porte. Oui, la porte, oui. La porte de derrière. On croit souvent, excusez-moi pour ces mots, que pour être de bons catholiques, il faut faire comme des lapins. Non, il faut avoir une paternité responsable. Voilà, envie de vous lire un petit passage du livre de Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, Carnet de route. Tous coupables, tous innocents. La leçon de cette tragédie, c'est que les hommes sont tous coupables et sont tous innocents. Voilà la leçon que M. Jean d'Ormesson, de l'Académie française, envoyé spécial au Rwanda pour le journal Le Figaro, le 21 juillet 1994, tirait. Et M. Jean d'Ormesson a raison. Tous innocents, tous coupables. Vous prenez un type comme Hitler, on a dit qu'il était coupable, certes, mais en même temps, au fond, Hitler était innocent. Prenons les Arméniens, les Juifs, les Tziganes, les Khmers, les Kurdes et les Tutsis. Ils sont innocents, certes, mais en même temps, ils sont coupables. Le 21 juillet 1994, lorsque Le Figaro publie le papier de Jean d'Ormesson, la tragédie rwandaise était identifiée. Il ne s'agissait pas seulement d'une tragédie comme une autre, il s'agissait d'un génocide. En France, c'est Mme Lucette Michaud-Chevry qui, la première, a employé ce terme, ensuite repris par le ministre des Affaires étrangères d'alors, M. Alain Juppé. M. d'Ormesson, grande lumière de notre hexagone, homme informé, académicien, envoyé spécial d'un quotidien prestigieux, ne pouvait pas ignorer qu'il était en présence d'un génocide. Aujourd'hui, 80 années après le génocide des Arméniens, M. d'Ormesson pourrait-il se présenter devant les Arméniens et leur dire « La leçon de votre tragédie, c'est que les hommes sont tous coupables et sont tous innocents. » Pourrait-il prononcer les mêmes mots face aux Juifs, aux victimes des Khmers rouges? Mais laissons M. d'Ormesson, car enfin il n'est pas en face de moi pour répondre et puis c'est un homme charmant. Et je dois dire que j'apprécie le soin qu'il apporte à choisir ses cravates. Mais inconsciemment, sans aucun doute, il dit notre regard sur le génocide du Rwanda. Sous un prodigieux édredon de cynisme, de lâcheté et d'ignorance, nous avons procédé à une perte de conscience. Plus de frontières. Et si c'était ça le naufrage, l'idée même de sans frontières, plus de limites, plus de morale, plus de tabous. À quoi bon la justice? Pourquoi ce commandement « tu ne tueras pas » S'il a fallu un commandement, c'est que ça n'allait pas de soi. Le plus grand geste civilisationnel a été d'établir ce partage des eaux entre nos instincts de mort et nos instincts de vie. Ils sont très proches. Ils voisinent là, derrière, dans notre vieux cerveau, là où très précisément tapaient les machettes. Le rempart n'est pas épais entre les deux. Les plombs peuvent péter à tout moment. L'histoire des hommes, c'est cette digue. Digue chaque jour à construire, chaque jour menacée. Tous, nous travaillons sur cette frontière sans toujours le savoir. Pas seulement les philosophes, les politiques, les religieux, les journalistes, les artistes, les géomètres et les poètes. Pas seulement Sonny Rollins et Gilles Deleuze, mais aussi la maman qui dit à son petit « on ne tape pas sur son frère ». Va faire dans ton pot. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est aussi chaque jour, chaque soir, la mémoire ordinaire. C'est mon frère qui nous raconte les camps pendant que ma mère fait la vaisselle. La leçon de la tragédie du Rwanda, c'est qu'il y a des coupables et qu'il y a des innocents. Le seul espoir, c'est que les coupables soient jugés. Il n'y a pas d'oubli, pas de deuil, pas de pardon sans justice. Depuis 35 ans, depuis le début du cycle des massacres au Rwanda et au Burundi, les tueurs sont impunis, pas de châtiment. C'est notre devoir à tous de tout faire pour que la justice soit faite, même si notre pays est impliqué. Pascal disait en substance « Les hommes veulent la justice, mais ils ne savent pas laquelle. » Trouver une justice est un défi énorme, mais c'est la seule façon d'empêcher que la lumière ne s'éteigne tout à fait. La leçon de la tragédie du Rwanda, c'est qu'il n'y a pas que le racisme des skinheads sans conscience, il y a aussi celui plus pervers, plus mondain, plus refoulé, plus inconscient, d'hommes dont j'apprécie le soin qu'ils apportent à choisir leur cravate. 19 septembre 1994. On est au salon, au premier salon alternatif des médias, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Hein, salon des médias alternatifs et des alternatives médiatiques. Waouh, ça c'est un titre qui pète, quoi. Ouais, je trouve aussi, ouais, ouais. Voilà, et moi je me balade et je vois ici la Poiscaille. Le Poiscaille. Alors Le Poiscaille, qui est un journal satirique liégeois, bimestriel, fait par une trentaine de bénévoles depuis quasiment 5 ans maintenant. Voilà, et donc qui parle de sujets politiques, des enquêtes, qui essaye de faire du journalisme différent, à la fois de terrain, à la fois soit rigolo, soit engagé, soit ludique. Voilà, on part un peu dans différentes formes comme ça, mais en tout cas, voilà, on se reconnaît dans l'étiquette de médias alternatifs. Et quoi, quand vous dites que vous faites des médias, c'est quoi la différence entre une bande dessinée classique et une bande dessinée médiatique? Alors, comment, enfin, pourquoi vous vous positionnez en disant que vous êtes un média? Enfin, de toute façon, la bande dessinée, c'est un média. Oui, hein, après, enfin voilà, tu comprends un peu? Oui, bien sûr. Je veux bien essayer de reformuler ma question. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Moi, bien sûr que tout ça, c'est des médias. Et nous, on ne fait pas de la bande dessinée. On fait un journal satirique dans lequel il y a effectivement des dessins, il y a des caricatures, il y a des reportages BD, il y a des romans en photo, il y a de la recherche graphique parce qu'on fait aussi des pastiches, du Vlan, de la Meuse, de la fanpage de Ubupan, journal d'extrême droite, et d'autres choses comme ça. Et donc, voilà, on a des... Excuse-moi, j'ai cru que c'était une bande dessinée, moi. Je ne sais pas pourquoi. Bah, souvent, en fait, on a une couverture qui est très graphique. Donc, quand on n'ouvre pas le journal, on a tendance à se raccrocher à cette idée-là. On a des couvertures assez graphiques avec un très grand dessin, juste un titre, c'est assez sobre. Voilà. Donc, ça peut être pris pour de la BD au premier abord, je peux comprendre. Donc, en fait, c'est un journal format A4, comme une petite revue assez fine, comme ça, non? Une revue. Voilà. C'est ça, on nous dit souvent qu'on a une patte un peu fanzine et qu'on a un côté assez graphique. Bon, effectivement, c'est fait en offset, en fait. Donc, pour ceux qui se connaissent un peu en imprimerie, donc on passe pas dans des rotatives. On n'a pas un tirage assez important. On en sort 500 tous les deux mois. On a un système d'abonnement. On les vend sinon dans une vingtaine de points de vente à Liège et autour. Et donc, voilà, ça se présente effectivement comme de la 3 plis en deux, donc de la 4, avec deux pages de couleur à l'extérieur et deux pages de couleur à l'intérieur. Et l'ensemble fait 20 pages et se vend 3,50 €. Ça va, c'est raisonnable. En plus, enfin, moi, franchement, ça me donne envie de lire, là. Et donc, c'est né il y a 5 ans, à Liège. C'est ça, février 2010. Donc, on aura 5 ans, début 2015. À Liège, effectivement. Alors, l'idée de faire un journal liégeois, elle est venue du fait que nous, on voulait... En fait, comme on dit souvent, un média alternatif, ça part du principe que les médias traditionnels ne font pas leur travail. Et nous, on était particulièrement portés sur l'idée que les médias traditionnels ne font pas leur travail sur le côté de faire du terrain, de faire de l'enquête, de faire des papiers qui soient recoupés, qui aillent chercher un peu plus loin que simplement rapporter, soi-disant, objectivement quelques faits. Et donc, on fait du travail de terrain, on va recouper nos sources, on va essayer de faire de l'investigation, etc., etc., d'une part, et donc du coup, comme on était tous basés à Liège, une bande de potes, eh ben, on a voulu, et qu'on n'avait pas vraiment les moyens pour aller faire de l'enquête à Namur, Bruxelles, Charleroi, Mons, etc., eh ben, on est parti sur l'idée de faire un journal liégeois pour cette raison-là, qui était que c'était là où on était, on voulait faire du journalisme de terrain, donc on a commencé à parler de ce qui se passait tout autour de nous. Ok, donc c'est un journal liégeois où il y a une info liégeoise alors. Voilà, c'est ça. Ouais, on parle de la politique liégeoise en priorité, de ce qui se passe au niveau culturel. On fait des reportages de sociétés aussi, où par exemple, là, on est allé dans une ferme, dans le dernier numéro, on est allé dans la ferme qui s'appelle la ferme Larocque, à côté de Liège, qui fait de la, une ferme alternative, entre guillemets, pour le dire vite. Et puis, voilà, donc c'est effectivement liégeois, des informations à chaque fois avec un angle. Alors, ça nous arrive de parler de sujets plus au niveau national, par exemple là avec tout ce qui se passe au niveau du gouvernement, on est en train de faire quelques papiers là-dessus, mais on essaye en général d'avoir un angle liégeois quand même, par exemple de rapporter ce qui s'est passé au niveau des piquets de grève à Liège, ou en tout cas de montrer que, par exemple quand on parle d'austérité, qui est typiquement quelque chose d'assez abstrait comme ça et qui semble être un sujet qui n'est pas forcément local, on essaye de montrer que c'est aussi un sujet local parce que ça aide, à notre humble avis, les gens de voir que l'austérité a une influence directe sur leur propre vie, leur propre quotidien. On a fait par exemple dans un ancien numéro une enquête sur les conditions de travail des pompiers qui ont beaucoup de problèmes avec leur direction, les pompiers de Liège. Et en fait, on se rend vite compte que parmi les difficultés qui opposent les pompiers de base avec leur redirection, c'est les choix budgétaires. Et c'est donc aussi finalement les mesures austéritaires qui ont été prises au-dessus d'eux. Et donc, il y a comme ça un côté ramener dans le réel des choses qui peuvent paraître très abstraites, comme les politiques fédérales qui... Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé alors là concrètement pour ces pompiers? Parce que tu prends l'exemple des pompiers, ok. Et puis, mais quoi Qu'est-ce qui s'est passé pour ces pompiers avec le thème de l'austérité, là? En fait, là, ils se sont retrouvés avec moins de moyens. En plus, bon, je pense que... Alors, il y a le côté plus général d'austérité. L'austérité, c'est le fait qu'ils avaient... la direction a dû gérer, faire les mêmes choses avec moins de moyens. Et en plus, au niveau de la direction, au niveau local à Liège, qui a fait des choix très discutables. Par exemple, ça fait 10 ans que les pompiers de Liège possèdent une villa à Anse qui ne sert à rien, qui est en train de se délabrer, etc. Et donc les syndicats remettent en cause la bonne gestion aussi de l'intercommunale. Voilà. Et donc, quand on interroge la direction, évidemment, c'est non, mais c'est un bon placement, etc. On a un truc ici, c'est... Un des sous-titres, c'est pas moi, c'est l'austérité, puisque en fait, les communes ne... En fait, si vous voulez, les communes... Là, tu parles toujours bien de Liège, hein. Ouais. Les communes de Liège, alors il faut savoir, l'intercommunale des pompiers, par exemple, à Liège, elle est fournie au niveau budget par un ensemble de communes, comme une intercommunale. Et donc, l'ensemble des communes a refusé d'augmenter le budget, mais l'inflation augmente. Donc, du coup, en gros, ils doivent faire... la même chose avec des moyens qui reviennent à avoir des moyens moindres, et les communes disent elles-mêmes, c'est nous on donne pas plus d'argent parce que les budgets des communes elles-mêmes ils sont moindres parce qu'au niveau fédéral on a voulu donner moins d'argent au financement public. Donc finalement il y a un côté cascade comme ça qui fait que le fédéral donne moins d'argent, les communes se retrouvent avec moins d'argent et finissent par donner moins d'argent. On se retrouve avec l'intercommunale de Liège qui estime qu'ils ne peuvent pas faire leur métier correctement. Ça fout des tensions incroyables dans l'intercommunale. Il y a un truc comme 30% des pompiers qui sont en arrêt maladie parce qu'ils sont en burn-out ou ce genre de truc. Et ce que nous répond à ce moment-là la direction des pompiers, c'est quand la ville verra qu'on peut tourner avec 30% d'employés en moins, on verra bien ce qui se passe. Donc c'est pression directe et pas du tout subtile sur la gestion d'une crise avec des êtres humains, etc. quoi. Donc c'est un peu cette façon-là d'aller voir l'articulation entre des choix et des politiques au niveau global et la façon dont c'est géré au niveau local. Et là, pour le coup, c'est un vrai désastre, quoi. Et quoi, tu es journaliste, vous êtes journaliste, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous preniez comme ça On est plusieurs au Poiscaille en fait à venir de communication à l'ULG, à l'Université de Liège, et moi particulièrement, et puis d'autres ont été dans le même cas, c'est qu'on a fait une série de stages dans nos études. Moi j'avais fait Troclé avant, donc j'ai fait genre 7 ou 8 stages dans la presse traditionnelle. T'as fait quoi avant? Troclé? Troclé, c'est une haute école à Serein. J'ai l'habitude qu'à Liège, tout le monde connaisse. Mais... Une haute école de quoi? Une haute école d'à peu près tout, sciences humaines et sociales, quoi. Et j'avais fait communication aussi, donc j'avais fait toute une série de stages dans différents journaux, et j'étais vraiment dégoûté de ça. Je voulais vraiment à la base devenir journaliste. Depuis, moi, là, c'est une activité bénévole. Le Poiscaille, à côté de ça, je fais des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec ça. Comme quoi, par exemple, ça m'intéresse. Je suis assistant à l'Université de Liège au département de communication. Je fais une thèse sur les jeux vidéo amateurs et j'anime des ateliers de création de jeux vidéo pour des gens qui ne savent pas créer des jeux vidéo à la base. Et donc, d'ailleurs, le Poiscaille a aussi sorti un mini-jeu vidéo qui s'appelle Willy Bird, dans lequel on doit aider Willy de Meyer, le bourgmestre de Liège, à prendre sa décision et aller jusqu'au conseil communal avec cette décision tout seul, sans consulter personne, puisque c'est la critique qu'on lui fait tout le temps. Et, c'est qu'il ne sait pas faire quelque chose tout seul, c'est ça ? Non, c'est qu'il les fait absolument tout seul. Il ne veut jamais consulter les... Enfin, il ne consulte pas. En tout cas, c'est ce que souvent l'opposition dit et c'est ce qu'on retrouve dans nos enquêtes de manière générale. C'est qu'au niveau de la ville, il y a un gros problème au niveau de la communication, de la prise en compte des avis divergents, de fait de réussir à mettre tout le monde autour de la table pour des décisions dans n'importe quel secteur. On retrouve ça assez régulièrement. Donc on a voulu faire ça sous forme de petits jeux vidéo. On va essayer de le sortir aussi sur smartphone. Là, pour l'instant, il est sur Internet. Vous pouvez aller sur lepoiscaille.be/willybird. Sinon, vous allez tout taper ça dans Google, j'imagine qu'il trouvera. Et voilà. Oui, donc si je comprends bien, c'est votre bande de 5, là, c'est vraiment des gars... Il n'y a pas de filles dans votre groupe ? On est une trentaine. On a un noyau dur d'une dizaine de personnes. Et puis, il y en a 20 d'autres qui viennent de manière un peu plus ponctuelle, faire un article ou un dessin, etc. Et on a plus de garçons que de filles, où effectivement, on doit avoir qu'une ou deux filles dans le noyau dur et puis quelques autres en dehors. Mais ça s'est fait comme ça, j'ai envie de dire. On se pose souvent la question de savoir pourquoi. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé de réponse. Il s'est trouvé que ça s'est fait comme ça, mais on ne... Vous ne cherchez pas la réponse, quoi. C'est pas votre... C'est-à-dire que si quelqu'un a des éléments de réflexion à nous donner sur comment est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux à ce niveau-là, nous on est tout à fait preneurs, mais on n'estime pas, on n'a pas fait un choix en disant il nous faut des mecs, on n'est pas du tout là-dedans, hein, donc il s'est trouvé que c'était comme ça. Mais, Bon allez, revenons au petit, mais ça a à voir, hein, je veux dire aussi quand on... On crée un groupe, quand on crée un groupe, j'imagine que c'est chouette aussi la mixité, parce que un point de vue féminin, un point de vue masculin, tu vois ce que je veux dire, il y a ça. Je croyais que d'abord vous étiez que 5, donc tu me disais 5 gars, et là tu me dis ok, vous êtes 10 avec 20 qui gravitent autour, ok, donc ça donne déjà une autre vision, j'aurais même pas du coup... Et puis... Attends, j'ai pas fini, parce que sinon je finis ma question. Je perds mon fil, quoi. Bon. Donc, du coup, si vous étiez plus que ça, j'aurais même pas eu l'idée de poser la question est-ce qu'il y a des filles dans le groupe ? Parce que j'imagine que oui, à 30 personnes comme ça. Voilà. Ouais, non, et puis après, il y a la question de savoir est-ce qu'il y a un point de vue proprement féminin, un point de vue proprement masculin sur des dossiers ? C'est une autre question qui se pose. Est-ce qu'il y a un point de vue ? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'une femme ou un homme ait nécessairement un avis différent sur la question ? Mais oui, sûrement, sûrement. Je vis pas les choses de la même manière. S'il y a eu des combats et tout ça, c'est parce que vraiment il y a eu des points de vue qui n'étaient pas entendus, tu vois. Voilà. Maintenant, un garçon et une fille peuvent avoir le même avis. Deux garçons peuvent avoir ne pas avoir le même avis. Enfin, tu vois, c'est pas ça. Mais c'est la mixité. C'est la mixité sociale, la mixité sexuelle, la mixité, quoi, tout court. Voilà. Donc, comme vous êtes 30, j'imagine que tu me dis qu'il y a deux filles, du coup, c'est pas beaucoup, ça. Là, depuis le dernier numéro, il y a eu plusieurs recrues qui viennent de débarquer. Donc, il y a deux filles supplémentaires qui sont arrivées. Voilà, il y avait une dessinatrice, Aurore, qui a pris ses distances avec le journal parce qu'elle avait d'autres choix de carrière. Mais voilà, c'est plutôt, je vais avoir des réponses uniquement anecdotiques sur des personnes. Il n'y a pas du tout de choix. Je ne sais pas ce qui explique ce manque de mixité. Quoi. Voilà. Oui, mais enfin, moi, au départ, je n'allais pas du tout dans cette direction. Donc, on va repartir vers... Mais ça a à voir en même temps, hein, puisque c'est créer une équipe aussi, avoir ce petit regard-là. Tiens, est-ce que la parole, est-ce que le point de vue des gonzesses sont dans mon groupe ? Tiens, pas beaucoup. Est-ce qu'il faut y remédier ? Pas, ça, c'est votre avis, quoi. Mais donc, le journal Le Poiscaille, c'est quoi ça ? C'est quoi ça? Parce que ici on parlait de... Attends, c'était quoi le mot là? Le mot que tu expliquais là? J'arrive jamais à le retenir, ce le mot. Poisson. L'austérité, l'austérité. Mais quoi? Quand on parle d'austérité, vous vous positionnez comment par rapport à ça, vous? Parce qu'il y a quand même ça. Je veux dire, vous diffusez un petit journal, il y a quand même des idées que vous avez envie de défendre. Et par rapport à l'austérité qu'on n'arrête pas d'entendre, c'est quoi que vous défendez? Alors nous, on veut pas... En fait, notre point de vue, je vais le dire de manière plus générale d'abord, et puis je reviendrai à ta question directement, mais donc en fait, un des fondements du Poiscaille, c'est l'idée qu'on a nécessairement toujours un point de vue, et voilà, un point de vue... Même quand on n'en a pas. Y compris politique, et même quand on n'a pas, quand on en a pas, quand on pense ne pas en avoir... c'est un point de vue, et puis voilà. Et donc, ce que je veux dire aussi par là, c'est que la presse traditionnelle aussi véhicule des valeurs à certains points de vue, etc. C'est juste qu'ils disent être les médias neutres à côté des médias alternatifs qui seraient, eux, les médias idéologiques ou engagés, etc. Mais je trouve que le JT de la RTBF est terriblement engagé sur la question de l'austérité, par exemple. Ils ont un engagement clair et net quand ils expliquent que les actions syndicales ne sont que des nuisances pour les usagers, qu'ils prennent les gens en otage, etc. C'est clairement engagé. C'est juste que comme c'est le média dominant, ça semble être la norme, donc la neutralité. Mais il faudrait vraiment... Nous, on essaie de travailler sur distinguer entre la norme et la neutralité. Attends, parce que quand tu parles d'engager, habituellement, je veux dire, oui, quand tu m'expliques ton anecdote de la RTBF, là, ça dit engagement, mais plutôt pas dans le même sens que votre journal, par exemple, où je me trompe. Parce que quand on parle d'engagement, habituellement, quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un qui va contre le système, ou bien je me trompe. Non, mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui, si tu veux, pour le dire autrement, ont nécessairement un point de vue, mais qui n'est pas explicité en tant que tel, qui n'est pas assumé, qui se dit être la neutralité et l'objectivité, etc., etc. Alors nous, déjà, donc, dans notre pratique, ça a une influence directe, parce que ce qu'on essaye de faire, c'est de dire que, comme sachant que chaque personne et chaque rédacteur et chaque dessinateur a nécessairement un point de vue, autant l'assumer, l'expliciter, être clair sur le sujet avec ça. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est pas non plus faire un journal qui soit dans le fait de convaincre sur des sujets de manière globale en disant l'austérité c'est mal, comme j'imagine une grande partie de la rédaction le pense, en disant que c'est pas ça qui va aider l'économie, etc. Je pense qu'au niveau individuel, si tu vas discuter avec des gens de la rédaction, ils vont t'expliquer, ils vont avoir le même discours que moi en disant très critique sur les politiques austéritaires, etc. Les gens de ta rédaction à toi? Les gens de la rédaction, bah, moi j'estime que... C'est parce que je comprends plus ce que tu dis en fait. Tu parles de ta rédaction à toi, de votre journal. Oui. Okay. Oui. Je pense que les gens du Poiscaille, si tu vas voir d'autres gens de la rédaction, ils vont avoir le même discours critique par rapport à tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas faire des pages entières de commentaires en disant, en expliquant pourquoi c'est mal, etc. Je pense qu'il y en a qui le font, c'est très bien, ça existe, c'est parfait. Il y en a qui le font, d'autres journaux, tu veux dire, d'autres médias, quoi. Ouais. Voilà, y a beaucoup de choses qui existent déjà à ce niveau-là. Et je dirais que moi, mon avis là-dessus, c'est que c'est pas en faisant un dossier qui explique les méfaits des politiques austéritaires sur l'économie de manière générale qu'on va probablement être très intéressant pour une série de gens, etc. Mais on ne va pas forcément intéresser les gens qui ne se préoccupent pas forcément de ça à la base. On préfère aller sur des sujets sans forcément d'a priori à ce niveau-là. On ne sait pas forcément encore sur comment est-ce qu'on va angler. Quand on va voir les pompiers au début, on sait qu'il y a des problèmes dans la caserne. On prend des contacts. On prend d'ailleurs 1000 contacts. On essaye de vérifier, de recouper ce qui nous est dit sur les faits principaux, etc. Et on essaye de trouver les raisons, d'aller chercher, etc. S'il se trouve qu'après, on se retrouve face à des bourgmestres qui nous disent c'est pas de notre faute, on peut pas donner plus de moyens aux pompiers parce que nous-mêmes on a une enveloppe qui est réduite parce que les politiques austéritaires au niveau fédéral font que, alors on met ça en perspective, on dit déjà de 1, il y a une influence des politiques fédérales, et de 2, le bourgmestre quand même fait son choix politique de, par exemple, augmenter le budget de la police et pas celui des pompiers. Et donc, on essaye de mettre les choses en perspective à ce niveau-là, une fois sur base du terrain, quoi. Voilà. Oui, parce que je comprends toujours pas bien quoi. C'est l'austérité. Vous vous positionnez comment ? On ne le prend pas mal, mais je veux dire, j'imagine que si tu as de l'argent, tu as un certain budget, qu'on te dit demain, ben voilà, il y en a moins, c'est clair. Il n'y a pas besoin de faire plein d'analyses. C'est clair que ça va être compliqué. Ça va être plus compliqué parce que tu vas avoir moins d'argent. Mais le mot austérité, voilà, on l'entend pas mal. C'est vraiment en plus dans certains... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est dans certains milieux qu'on utilise ça. On appuie bien aussi sur le clou. Il y en a qui sont pour l'austérité. Il y en a qui sont contre l'austérité. Il y en a qui sont carrément... Il faut inventer une autre manière de voir le monde. Vous positionnez comment un peu par rapport à ce mot et, est-ce que tu comprends ce que je dis ? Je crois. Je vais essayer de répondre à ta question. Pour nous, l'austérité, c'est, enfin, la façon de parler de ça en termes d'austérité, c'est le... Pour bien qu'on se comprenne, on pourrait appeler ce mot autrement. On pourrait dire, il n'y a plus de thunes, c'est la galère, c'est la... Enfin, oui, tout le discours... Tu connais les gens là ou... Non. Ok, donc voilà, donc je repose cette question, c'est quoi l'austérité ? Parce que vous le reprenez tel quel aussi, hein, vous reprenez le mot austérité dans votre journal, qui raconte des choses évidemment. Oui, évidemment, tout le discours qui accompagne dans les médias dominants l'austérité, c'est l'idée qu'on est arrivé à un moment où, comme tu disais, il n'y a plus d'argent, on n'a pas le choix, il faut faire des économies, on a vécu au-dessus de nos moyens, tout ce qui est des foutaises abominables, quoi. C'est des, je veux dire, je ne sais pas si parmi les auditeurs, il y a des gens qui connaissent des gens des générations un peu avant, qui a l'impression qu'on a vécu au-dessus de nos moyens, qui a l'impression qu'on s'est gavé et qu'on a fait n'importe quoi, etc. Évidemment, non, il y a toujours aussi d'argent, il y a toujours autant d'argent, il y en a même plus, les pays, nos pays sont toujours, produisent plus de richesses les années... Chaque année, quoi. Chaque année. Et après, c'est des choix politiques de qu'est-ce qu'on fait pour encadrer la façon dont cet argent est redistribué à la société civile. Ou est-ce qu'on accepte que ça se déverse infiniment dans le grand capital et qu'on nous dit, mais vous savez, il faut jouer à la concurrence, il faut qu'on travaille pour moins cher, il faut baisser le coût du travail parce qu'il faut, il faut absolument concurrencer les Chinois sur les trucs. Et alors après, on nous dit que le modèle allemand est formidable parce qu'eux, ils ont fait beaucoup d'austérité et c'est génial, etc. Et donc, voilà, ce qu'on a envie de répondre à tout ça, c'est... évidemment, c'est comme en ce moment, il y a eu des trucs... est-ce que ce serait possible de vivre sans impôts, par exemple ? C'est très drôle comme question. Évidemment que c'est possible de vivre sans impôts. On peut très bien faire une société demain dans laquelle il n'y a pas d'impôts. Mais alors on refuse qu'il y ait une éducation gratuite, que l'hôpital, qu'il y ait une sécurité sociale, qu'il y ait un système de retraite, de chômage. Mais qui pose cette question ? C'est absurde aussi. Enfin, tu vois, c'est... Mais oui. Qui pose cette question, quoi ? C'est absurde. Oui, ça se retrouve au JT, à première heure. Non, mais bien sûr, je veux dire... oui, est-ce que après on nous dit la Belgique et la France ou le machin, chaque pays en ce moment européen se retrouve dans ses propres médias à dire qu'il est le plus taxé au niveau européen, que c'est le mauvais élève de la classe européenne, etc. Oui, c'est sûr, on peut très bien essayer de battre la Grèce, et puis voilà. Non, mais c'est des choix politiques qui sont déguisés en espèce de fatalité, où on essaye de naturaliser le truc en disant que c'est comme ça, le socialisme a fait que on s'est gavé, on a profité du système, etc. Et alors voilà, évidemment, on va fliquer les chômeurs, on va essayer de nous supprimer toutes sortes d'acquis sociaux en nous disant que c'était des cadeaux qui ont été un temps acceptés et que maintenant il est temps de revenir à la raison et que c'est comme ça, on peut pas faire autrement, on peut pas taxer les riches parce que sinon ils vont partir à l'étranger, donc on peut vraiment rien faire, quoi. Donc voilà, il faut accepter de travailler, je pense, pour 2 euros de l'heure et un bout de pain. Et d'être déjà bien content comme ça. Et finalement, vous pouvez être content. Hein. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir en Corée du Nord. Quoi. Je veux dire, il y a toujours pire ailleurs. Donc Mais dis-moi, comment est-ce que toi, Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ailles rechercher une info ailleurs que ce qu'on te racontait comme ça? Comment tu as fait pour aller chercher? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi? C'est quoi ce chemin, en fait? Moi, je crois que... Comment tu as réalisé qu'à un moment donné, les médias te racontaient n'importe quoi? Je les ai pratiqués de l'intérieur, je crois, avec ces 7 ou 8 stages, des piges à droite à gauche. Je me rendais compte qu'il n'y avait vraiment aucun sens à ce qu'on m'envoie faire une page sur la fête de la truffe à Pulnois, et que je voyais les journalistes plus gradés que moi dans les rédactions qui avaient 2 ou 3 heures, voire une demi-journée dans le meilleur des cas pour traiter un sujet politique, ce qui veut dire qu'on sait bien qu'à ce moment-là, tout le monde... Même le journaliste le mieux intentionné, il essaiera de limiter les dégâts, mais je veux dire, en une demi-journée, tu fais forcément de la merde, quoi, pour être clair. Et donc, quand tu vois les journalistes de la Meuse qui doivent faire 3 ou 4 sujets sur la journée, il ne faut pas s'étonner que du résultat final, quoi. Voilà. Et donc, je pense que c'est en pratiquant, personnellement, que j'ai... C'est intéressant, ça. C'est vraiment en te rendant compte sur le terrain qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Ça, et puis les études en communication, quand même, qui sont fort axées sur, si on veut bien l'entendre, sur les aspects critiques, quoi. Quand tu commences à t'intéresser à la sociologie des médias, quand tu commences à t'intéresser à la déontologie, etc. Et si dans les études de communication, tu prends vraiment tout ce qu'il y a à apprendre en termes de développement de l'état d'esprit critique, je pense que c'est pas nécessaire. Il y a 1000 autres voies pour arriver aux mêmes conclusions, j'en suis sûr. Mais en tout cas, moi, c'était un peu mon chemin aussi, quoi. C'est les stages et les études qui m'ont, au lieu de me former, enfin, ils m'ont en partie formé au métier que je fais, mais que je fais uniquement dans le cadre du Poiscaille et chez les amis de C4 d'une certaine gaieté. Mais finalement, ils ont plus réussi à me dégoûter du métier au sens traditionnel du terme. Et voilà. C'est bien ou c'est pas bien? Bon, ça dépend pour qui. Moi, je suis content pour moi. Ça fait que je suis sorti des études avec très peu de... Pendant un certain temps, avec très peu de perspectives d'avenir, parce que Oui, c'est ça, quand je dis c'est bien, c'est pas bien. Est-ce que c'est dur de voir le réel? Enfin, le réel, c'est très flou comme mot. La réalité, c'est quoi la réalité? Mais est-ce que c'était pas plus arrangeant de... Enfin, voilà, quand le voile tombe... De regarder, tu sais, d'être lucide comme ça sur le monde tel qu'il est, et pas comme on aimerait qu'il soit. Est-ce que ça fait pas mal au ventre? Ça fait mal au ventre. Tu as peut-être mal au ventre avant. Hein. Oui, et puis je crois que. Alors, il y a un peu le syndrome. La pilule de Morpheus dans Matrix. À partir du moment où tu as pris la pilule pour voir la vérité, entre guillemets, tu peux plus faire marche arrière. Mais c'est sûr, à partir du moment où nous, on avait, par exemple, je sais pas, on a eu des tas de cours sur lesquels on analysait les méthodes dans la publicité, par exemple, un vrai fléau, quoi. À partir du moment où tu fais un peu cette gymnastique du cerveau, tu es vraiment incapable de revoir de manière naïve des publicités sans directement te dire, ah oui, tiens, il s'adresse à telle cible. Y a un petit truc qui est assez drôle, c'est par exemple quand vous regardez une émission à la télé, toujours regarder les publicités pour comprendre comment est-ce que les producteurs perçoivent le public à qui ils s'adressent. C'est pour ça que sur Arte, on se retrouve avec des publicités pour les ascenseurs ménagers, quoi, pour les petits vieux qui veulent monter leurs escaliers. Et puis quand on voit des pubs pour les enfants aux programmes qui sont prévus pour les enfants, etc., etc. Donc ça, c'est assez intéressant à voir. Moi je trouve ça passionnant, et après je trouve pas ça du tout déprimant, ça y est, c'est fini, c'est la merde partout, etc. On fait le Poiscaille dans lequel à la fois on s'amuse bien et on a l'impression de faire le métier correctement, et voilà, on fait le job, et c'est passionnant. À partir du moment où je préfère évidemment largement ça que d'avoir fait 20 ans en me disant que je faisais du bon journalisme à la Meuse ou ailleurs. Et je crois que c'est même pas le cas. Je pense que moi, j'ai beaucoup de foi en l'humanité. Je me dis que même le mec qui se retrouve dans un journal traditionnel, il se retrouve un peu dans un système comme ça, qu'il s'est un peu retrouvé là. Et puis, puis des situations individuelles font qu'il faut bien... Des gens estiment qu'à un moment donné, il faut bien bouffer, et donc ils acceptent ce truc-là. Mais pour autant, je connais aussi des journalistes dans les médias traditionnels qui savent pertinemment qu'ils font de la merde et que ça fait souffrir, quoi. Et je pense qu'au bout d'un certain nombre d'années, tu finis par avoir une mauvaise image de toi-même en plus, et que c'est le... Voilà. Donc finalement, je veux dire... C'est sûr que ça doit exister, hein, des mecs qui pensent parler de l'objectivité, de la neutralité, de machin, de parler des faits, de la vérité, du réel, etc. Sans avoir une vision complètement naïve de leur métier. C'est sûr que ça doit exister, mais après, est-ce que c'est la majorité ou pas, j'en sais rien, quoi. Voilà. Quand tu parles de ça, d'une façon naïve de voir leur métier, ça veut dire pas de recul, quoi. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça, en disant uniquement comme s'ils appliquaient des grands principes généraux. Je vais aller interroger des gens dans la rue, je vais faire un micro-trottoir, et du coup, j'ai la vie des gens, quoi. Alors que, au final, on sait tous ce qui se passe en salle de montage. On prend un type qui a pris cet avis-là, l'autre, il dit un avis un peu subversif, tiens, on va le mettre, c'est rigolo. Et celui-là, il passe bien. Celui-là, il s'exprime bien. Celui-là, il est intéressant, mais il parle pas bien, il passe pas bien au micro. Bon, bah, on le jarte. Donc, ouais, c'est ça. Sans vision critique, quoi. J'aurais envie de te poser peut-être la dernière question, et puis après, si toi, tu as envie de rajouter un truc, spontanément, que faut pas attendre que je pose la question pour pouvoir profiter de le dire. Mais tiens, comment est-ce que tu vois l'avenir des médias en général? Qu'est-ce que tu sens venir ou pas venir? Ce que je vois ici, notamment au salon, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de faire les médias nous-mêmes, je veux dire en tant que citoyens. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez enthousiasmant. Le fait que peut-être Internet ait popularisé l'idée de ou accéléré ou accentué l'idée qu'on pouvait faire soi-même depuis chez soi, même si... Tu trouves pas que ça fait peur, hein, si chacun peut faire son média? Tu vois, il faut... J'allais dire, on en discutait tout à l'heure et on se disait justement, après c'est bien que ce soit adossé à une pratique professionnelle, etc. Et donc je pense qu'il y a... Je suis assez enthousiaste pour des choses, par exemple, comme des ateliers de création ou des ateliers de médias participatifs ou de journalisme ouvert, que les lecteurs viennent aussi décider les sujets dont il faudrait traiter, les angles qui ne sont jamais abordés. Et je pense que bah, pour le Poiscaï, c'est peut-être une piste de réflexion de faire un truc comme ça, parce que nous, on a des formations professionnelles quoi, dans la rédaction. Et donc se servir de ces atouts-là et en même temps d'aller chercher des gens qui sont lecteurs et qui voudraient devenir journalistes, mais les accompagner dans ce travail-là et voilà, avoir un truc un peu comme ça, participatif. Après, le fait que ça fasse peur ou pas, je trouve qu'on risque de vite tomber dans un discours très négatif sur le peuple, entre guillemets, une espèce de... Si d'un coup tout le monde peut dire des trucs, alors il y aura masse de conneries. Mais il y a aussi, enfin, moi je pense pas que les gens sont cons, c'est pas du tout ça, mais il y a une éducation. Je veux dire, tu sais quand on voilà, tu fais du média, je fais du média, ben voilà, on est entre nous, on parle de média, on se comprend, mais il y a des autres gens qui sont pas du tout et pas qui sont plus ou moins, hein, mais voilà, il y a réellement une éducation à faire. Ben oui, oui. Voilà. Mais donc c'est pour ça, je pense que c'est intéressant que, pour moi ça reste intéressant que des outils comme Internet aient popularisé l'idée que tout le monde puisse se dire bah je peux le faire. Après il faut aussi voilà peut-être populariser aussi les questions comme tu dis d'éducation ou de réflexion sur la de réflexivité sur la pratique. Ce genre de choses et peut-être que là il y a un créneau à prendre pour les médias alternatifs. Il y avait peut-être une place à prendre en se disant bah tiens soudainement on est entouré de gens qui ont tous leurs propres moyens d'expression et peut-être qu'on peut être un chaînon, peut-être qu'on veut avoir à faire quelque chose à ce niveau-là quoi. Voilà, c'est en réflexion, j'en sais rien, mais... je trouve que c'est des pistes de réflexion intéressantes dans le sens où je trouve ça déjà plus intéressant que tout le monde puisse se dire je vais m'exprimer, c'est un côté libérateur, voilà, donc moi je suis assez enthousiaste par rapport à ça. Oui, oui, mais moi aussi, hein, c'est l'idéal que tout le monde puisse s'exprimer, mais ça fait peur aussi dans le sens, ben voilà, il y a des visions du monde qui sont des fois très simplistes et c'est pas oui ou non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, il faut développer, il faut chercher, il faut, enfin tu vois, et qu'avec un média on pourrait être très vite, de toute façon c'est ce qui se passe aussi. Je trouve qu'on est vraiment à une époque là assez tristounette parce que c'est être pour, contre, tu vois. Et il n'y a pas de nuance. D'ailleurs, on oublie aussi l'histoire avec un grand H. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec toi. Il y a aussi une éducation à faire, ou en tout cas, peut-être quelque chose à faire sur le développement, pas seulement d'expressions comme ça pures, mais de débats avec des constructions, d'arguments. Et quoi qu'on en dise, je trouve que, enfin, moi, ça m'arrive sur Facebook, par exemple, de me retrouver face à des débats qui, à la base, étaient mal posés et assez mal foutus, des espèces de coups de gueule avec pour ou contre, nanana, etc. Et puis, au final, on se retrouve avec des amis qui commentent. On veut pas forcément aller tout de suite au clash, donc les personnes doivent bien être un peu cordiales pour essayer de maintenir une espèce de d'échange. Et puis, des fois, ça donne des trucs intéressants. Après, c'est sûr que c'est sur la même question que quand quelqu'un regarde une émission à la télé. Est-ce que ça les fait changer d'avis ou pas? Ça, c'est presque autre chose, mais... Après, voilà, je pense que évidemment, ça n'aurait aucun sens de dire pour ou contre Internet, ou tu vois ce que je veux dire, mais ça se pose de manière beaucoup plus nuancée, etc., au niveau des usages qu'on en fait, mais voilà, au niveau... Moi, je trouve qu'il y a une réflexion à faire, ça, sur la généralisation des débats et du fait que chacun puisse être son propre média, etc. Que chacun puisse être son propre média sur les réseaux sociaux. Voilà. La généralisation de quoi, t'as dit ? Des débats. Qu'est-ce que tu veux dire en disant ça ? Que en voyant Facebook comme une espèce d'agora. Oui, il y a beaucoup de conneries aussi, évidemment, mais je veux dire, le fait qu'il y ait peut-être qu'on soit... C'est une autre façon encore d'être confronté à des débats, d'idées, parfois aussi. Voilà. T'as un exemple concret qui t'est arrivé récemment pour pouvoir qu'on comprenne un peu ? J'en discute souvent avec une amie qui, par exemple, habite près d'un centre de réfugiés. Et alors, il y a beaucoup de gens de sa région qui postent des trucs sur Facebook en mettant des grosses conneries, quoi, en disant des images. Ils nous taxent notre argent, ils sont payés je sais pas combien, etc. Parce que déjà, au niveau factuel, c'est complètement faux. Des propos racistes, quoi, en gros, c'est ça Oui, bah, alors, ça c'est un peu déguisé, quoi, un minimum. Ils ont tous un habit black. Ou... Toujours la théorie de « oui, j'ai un ami arabe, donc ça va ». Et puis, cet ami en question, là, qui est un peu... qui s'y connaît sur ces questions-là, tente de répondre, de formuler ces trucs-là, etc. Je me dis, ces gens-là qui pensaient ça avant... C'est vrai, là, ils le disent sur Facebook. Je crois pas forcément qu'on change d'avis en voyant les choses. Donc, j'ai pas vraiment peur que le fait de véhiculer des idées racistes sur Facebook va convaincre d'autres gens, etc. Je suis complètement nuancé là-dessus. Je sais pas si, d'un coup, je vois des statues racistes, alors je finis par partager cette idée. Je sais pas, je trouve que, de toute façon, il y a un espèce de racisme ambiant actuellement. Je crois pas que le fait que... Tu crois pas que tu peux devenir demain raciste ? Ça va être difficile, mais... tout peut arriver. Moi, par exemple, enfin, ouais. Mais je sais pas. Voilà, je pense que c'est... Évidemment, les gens, il y a des gens qui deviennent racistes, et il y a des gens qui étaient racistes et qui deviennent non racistes. Mais je veux dire, j'ai pas d'a priori sur l'effet que va avoir un statut Facebook sur quelqu'un, quoi. Je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est de voir que finalement, ces personnes-là, qui pensaient peut-être ça chez elles toutes seules, se retrouvent confrontées à un avis différent parce qu'elles ont posté quelque chose sur leur mur et que quelqu'un répond. Et voilà, je trouve que c'est un phénomène intéressant à... Oui, qui a un avis différent. Qui a un avis différent. Après, ça change ou ça change pas, on n'en sait rien. Ça, chacun fait sa popote interne. C'est ça que tu trouves intéressant, en fait. Ouais. Bah oui, je trouve que c'est comme. Je prends un autre exemple, mais c'est comme le fait d'avoir un ami raciste, par exemple. Est-ce que quand on n'est pas raciste et qu'on défend des valeurs particulières? Qu'on a un ami qui est raciste, il y a eu un article sur le Gorafi qui était très drôle là-dessus d'ailleurs. Est-ce qu'on doit cesser d'être en relation avec cet ami raciste ? Et alors, du coup, l'idée c'est quoi ? C'est qu'ils se retrouvent tous entre racistes et puis alors ils s'échangent leurs idées et ils sont très contents ? Ou alors on reste amis et on tient nos positions, on discute, et on essaye de débattre et on est ouvert au dialogue et on essaye d'avoir foi en l'humanité. et voilà. C'est des questions qui se posent dans la vie comme sur Internet, quoi. Mais tant que ça reste sur Internet, tant que ça reste dans les idées, essaye de comprendre, tant que ça reste comme ça, pas dans des actes concrets, évidemment que c'est possible. Mais à partir du moment où il faudra prendre peut-être position dans la matière, enfin, tu vois, poser des actes, c'est peut-être là que ça peut devenir aussi violent d'ailleurs. Ben oui, ça, il faut évidemment, là je parle dans un cadre démocratique idéal, hein, après évidemment... Ouais, tu comprends, dans les idées, ben voilà, on peut ne pas être d'accord, de toute façon c'est riche de ne pas être forcément d'accord, il y a des idées qui fusent, tout ça, mais à partir du moment où, bon ça ce sont les idées, ce sont les concepts, c'est le même internet virtuellement, mais si demain on doit prendre position sur le terrain et agir et faire quelque chose, peut-être ton ami raciste, là tu vas beaucoup moins l'aimer parce qu'il aura... Tu comprends ce que je veux dire ? Je comprends, moi, mon frère il est gendarme. D'accord. Oh mon pauvre. Donc ça peut m'arriver demain de me retrouver en face de lui sur une barricade, quoi. Et comme un ami disait, sur une barricade il n'y a que deux côtés. Voilà, évidemment il y a des situations qui font que on doit choisir, etc. Ça m'empêchera pas d'aller partager Noël avec lui. Et vous venez de la même famille? Bah oui oui. Même papa, même maman. Mmh. Ouais. Comme quoi, hein? Comme quoi, voilà. Et puis il y en a des biens, vous savez. Bon, ben, merci à toi. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose comme ça spontanément que je n'ai pas abordé et que tu profites du micro pour le dire ? Ouais, ben, alors c'est un peu un coup de pub, mais pour dire simplement que, par exemple, c'est une anecdote, le Poiscaille, on rencontre nombreuses personnes qui nous disent qu'ils trouvent ça très intéressant, qu'ils sont très contents que ça existe, qu'ils l'achètent à l'occasion, etc., qui ne font jamais le pas de s'abonner. Et je m'interroge beaucoup là-dessus en ce moment parce que je crois que si tous nos sympathisants, entre guillemets, étaient des abonnés, je crois qu'on pourrait sortir du bénévolat, donc quasiment. Donc c'est intéressant et c'est un truc à réfléchir. Je veux dire, il y a quelque chose à... voilà, il y a quelque chose qui se passe pas là. Il y a une espèce de, je sais pas, de prise de responsabilité ou d'engagement ou de... De peur peut-être. Ouais, mais peur de quoi ? Peur de qu'on abandonne dans 2 mois, tu veux dire ou... Peut-être, je sais pas, avec l'argent du coup que les gens ont versé, va-t'en savoir, ce serait peut-être intéressant de se poser la question, voilà. Ou d'aller poser la question. Donc effectivement, c'est possible, c'est peut-être un élément de réponse, mais je veux dire, après, c'est sûr qu'une fois que ça se sera cassé la gueule, tout le monde pourra dire « j'avais raison de pas m'abonner », si on prend le truc dans l'autre sens, tu vois ce que je veux dire. Et c'est l'incertitude un peu ambiante, hein. C'est le papier, ça craint, quoi, tu vois. Ouais. Bah oui, mais c'est sûr qu'en plus, si on avait plein de sous, on pourrait faire peut-être des trucs sur Internet, on pourrait continuer à se développer autrement, j'en sais rien, mais voilà, c'est une réflexion que je partage, c'est, que ce soit pour le Poiscaille ou pour d'autres médias qui vous intéressent particulièrement, etc., je crois que il faut prendre... Enfin, je sais pas, j'invite les gens à... ne serait-ce que participer activement en donnant son soutien de manière un peu plus officielle, que ce soit par un abonnement ou quoi, parce que je crois que c'est vraiment très très important, quoi, voilà. Et que quelque part il y a beaucoup de gens qui ne passent pas le cap de soutenir réellement des trucs. Simplement, ça reste au niveau intellectuel de se dire bah tiens, je soutiens intellectuellement cette. Enfin, j'aime bien ce qu'ils font. C'est bien que ça soit là. Qui seront les premiers à nous dire si un jour on se pète la gueule, bah c'est dommage. Bien fait. C'est dommage. J'aurais peut-être dû m'abonner. Donc voilà, il faut... Tu nous aides à prendre conscience que si jamais on aime bien un journal, ben il faut le défendre. Voilà, c'est ça que tu dis en fait. Ouais, on a bien compris que tu faisais ça pour l'argent. Hein. Il y a une responsabilité, oui. Bah écoute, si on a fondé le Poiscaille, comme on dit souvent, c'est pour la gloire et l'argent. Et ça tarde à arriver quand même. Ça va bientôt faire 5 ans. On est toujours bénévole. Et voilà, mais on tient le... Comment est-ce qu'on dit ? On tient le bout. Je sais pas si ça se dit, ça. On essaye de tenir bon, on va dire. Voilà. On tient bon, simplement. Ok, merci à toi. Et le Poiscaille, c'est en liégeois, ça ? Le Poiscaille, c'est un mot de vieux français. Voilà, c'est un vieux mot français qui veut dire poisson séché. Et on a d'abord trouvé le logo, qui est un espèce de piranha aux dents aiguisées. Et ensuite, parce qu'on cherchait un truc un peu avec la dendure, etc. Donc on avait plein de jeux de mots, d'ailleurs, qu'on n'utilise plus beaucoup, mais c'était le journalisme de la mer, L'A-M-E-R, etc. Et donc, en plus, comme c'est un poisson, qu'on est à Liège, qu'il y a la Meuse à côté, bah, c'est intéressant. La Meuse, le journal et le fleuve. Et donc, le poisson Sky, le terme du nom est venu après, simplement. Voilà. Merci à toi.